Voici votre bulletin régional. L'Assemblée des filles d'Isabelle, cercle Saint-Louis, numéro 662, de East Angus, se tiendra au sous-sol de l'église de Saint-Louis le 5 janvier à 19h. À East Angus, c'est au courant de la semaine du 5 janvier qu'on fera la collecte des sapins de Noël. À la bibliothèque de Saint-Isidore de Clifton, de 13 à 15h, le 7 janvier, on donnera un atelier gratuit de croissance personnelle intitulé « La richesse du moment présent. Qu'est-ce qui me fait réellement vibrer? » Inscription au 819-875-5643, poste 5820.